Hein? Mario Noir, Vince, Silver. Hein? Yeah. On tente des perfs ou quand des pêches. J'suis pas un d'humeur, j'suis pas un des leurs. On tente des perches et le temps des pièges. Passe tout mon temps sous la pile, faudrait que le jour se lève. Attends, attendu. Est-ce que je danse sous la pluie là où le soleil est tant attendu? J'vois la tendresse dès que ses doigts s'élèvent. J'veux pas rentrer chez moi, c'est dead. J'attendrai que les étoiles s'éteignent. Moi, vie s'éteint, c'est des piles qu'on vole en face et qu'on perce leur temple. Mais vie s'éteint, t'es des piles. Vouloir l'effacer, c'est perdre son temps. Ouais, j'rêve que je joue dans le tas. On veut le plus simple dans la douille. On a plus d'un tour dans le sac. On veut plus de 5 dans la tour. Ouais, tes kickers prennent la gif. Il faut que t'agisses, que ta playlist le sache. Ma vie c'est l'histoire tragique de Dark Plagueis le singe. Mais chante pas sur demain, je kiffe mes gens, je rase sur les miens. Avec les légendes, je passe sur humain, s'ils visent les jambes, je marche sur les mains. Moi je sais pas ce qu'ils veulent de moi, et dès le matin où je pense qu'à m'enfuir. Chaque jour en gueule de bois, mais je suis pantin qui dansera sans fil. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Je sens qu'elle s'efface sous mes doigts, je sais même plus ce qu'elle voulait dire. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. À la fin ne laisse que des traces que je compte sur les doigts. On n'attend pas que ça tombe, ni que sa mère la file d'attente. Je vais de l'avant, mec, avec ma bande, faut qu'on vide la banque. On fuit la vie, on fuit la mort. Ouais, je me mens, car finalement, j'arrête pas de dire, j'arrête la weed, mais je suis pris dans ces filaments. Hein. Non, y'a pas besoin d'une vie hardcore pour qu'elle te donne du fil à retordre. Y'en a plus d'un qui enfile la corde pour se libérer de ces chaînes qui nous maintiennent au sol. Certains pensent par eux-mêmes, mais beaucoup trop s'en tiennent aux ordres. Ils disent que si Dieu existe, pourquoi il nous sort pas de la merde? La lumière se mérite, mais ça, ils faudront pas l'admettre. Bah ouais, on porte le bois de la veille de tous les jours. C'est pour le passé, y'a pas de javel. Pourtant j'suis lessivé, mais j'viens d'en bas, donc j'ai pas le droit d'échouer. J'me comprends pas et j'te mens pas, même mes rangs passent à pas qui j'suis. En tout cas j'suis qu'un homme, donc pardonne-moi quand j'm'énerve. J'avoue mes torts, même si parfois ça m'écorche les lèvres. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Je sens qu'elle s'efface sous mes doigts, je sais même plus ce qu'elle voulait dire. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Mais à la fin ne laisse que des traces que je compte sur les doigts. J'ai que des démons quand j'aime les mots, j'm'égèle et jette l'émotion. J'ai que les démons quand j'check le monde, j'me cherche. Ton chèque des mots sombres, on s'entend plus. Sur le moteur, on a plus, y'a mieux à faire. On s'entend plus, qu'à sur la terre. Les yeux dans le ciel, ouais j'm'enfonce. J'sais que c'est des mensonges, sans prendre ces messages. Au fond, j'ai que mon message, quand fuck leur chèque, j'fais mon soir. J'ai que les démons quand j'check le monde, j'me cherche. Ton chèque des mots sombres, j'ai que les démons quand j'aime les mots, j'm'égèle et jette l'émotion. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Je sens qu'elle s'efface sous mes doigts. Je sais même plus ce qu'elle voulait dire. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Mais à la fin ne laisse que des traces que je compte sur les doigts. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Je sens qu'elle s'efface sous mes doigts. Je sais même plus ce qu'elle voulait dire. J'ai des blessures indélébiles, des promesses écrites au Véleda. Mais à la fin ne laisse que des traces que je compte sur les doigts.